Activité 13. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à votre épreuve de production orale du DELF A1. Le premier exercice est un entretien dirigé. Je vous pose des questions pour vous connaître. Ça va? Est-ce que nous pouvons commencer? Oui, ça va. Comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Youssef. Est-ce que vous pouvez épeler votre prénom, s'il vous plaît? Youssef. Et quel âge avez-vous? 26 ans. J'ai 26 ans. Merci. Combien de frères et sœurs avez-vous? J'ai un frère et deux sœurs. Comment s'appellent-ils? Mon frère s'appelle Ahmed et mes sœurs s'appellent Liliane et Sarah. Est-ce que vous faites un sport? Oui. Quel sport est-ce que vous faites? Je fais du basketball et du karaté. D'accord. Et vous faites ces sports quel jour? Le basketball, c'est le mercredi et le samedi. Je fais du karaté le mardi et le jeudi. Merci, Youssef. L'exercice 1 est terminé. Nous passons maintenant à l'exercice 2.